beaucoup de hockeyeurs sur glace qui sont venus dans un premier temps pour le hockey, puis après, bah, tous les jeunes qui avaient commencé, bah, ils ont grandi. Donc forcément, il y a eu de plus en plus de seniors. Donc depuis 2002, ils sont soit sur le podium, soit champion de France, c'était quand même assez énorme. C'est un sport qui est mixte. Alors mixte jusqu'à un certain niveau. Mixte jusqu'en N2. Enfin, des tendances naturelles qui sont d'avoir quelqu'un qui est plutôt pour gratter devant le gardien. Et les défenseurs sont plutôt du genre à faire de grosses chutes de l'arrière. Mardi 15 juin 2021, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de roller en ligne. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de roller hockey avec le gardien de but de l'équipe de Fête Bretagne, donc Kevin Cotin. Bonjour Kevin. Bonjour Philippe. Donc, bah, bienvenue sur le podcast. Alors, avec toi, on va en apprendre un petit peu plus sur le roller hockey, ses points communs et ses différences avec les autres sports qui ont le mot hockey. Comme le hockey sur gazon, le hockey sur glace, le hockey subaquatique ou encore le rink hockey. On va aussi parler du poste très particulier de goal. Mais bon, avant, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, moi je m'appelle Kevin Cotin, donc j'ai 43 ans, j'ai 4 enfants et je suis dans la région nantaise depuis 15 ans à peu près. Je viens de la région normande, haute et basse. Et voilà, je pratique le roller depuis 40 ans. J'ai commencé très très tôt par la course et puis je pratique le roller hockey depuis 23 ans. Ok, donc oui, un 23 ans de roller hockey, ça commence à y avoir de l'expérience. Ouais. sans interruption ou il y a eu des petites interruptions de temps en temps ? Il y a eu une interruption d'une petite dizaine d'années qui a correspondu avec la naissance de mes enfants. La moindre disponibilité. J'ai tâté d'autres sports, mais je suis revenu à mes premières amours, le roller hockey. D'accord. Donc, comme je l'ai annoncé, il va y avoir essentiellement deux parties là, dans cette émission. Donc, la première sur le roller hockey et la deuxième sur la partie gardien de but du roller hockey. Je te laisse nous faire un petit historique du roller hockey. Ah ben on va dépoussiérer un petit peu tout ça. Donc le roller hockey, la première apparition de hockey sur des patins à roues alignées, ça date de 1938. Il y a eu une existence et puis les joueurs sont très vite revenus au quad. Et donc ça a été plutôt l'existence de la prédominance du rink hockey. Et donc le roller hockey dans la forme actuelle avec des patins à roues alignées, c'est revenu en 1995 aux États-Unis. Où il y a une équipe qui a remporté le championnat en patin à roues alignées exclusivement. Donc, à l'origine, quand même, c'était surtout les hockeyeurs sur glace qui pratiquaient. Ouais, alors, attends, excuse-moi, avant 95, donc, est-ce qu'il y avait du roller en quad, du hockey en quad ? Il y avait du roller en quad, principalement aux États-Unis, et dans les pays latins, le rink hockey s'est bien implanté. Il y avait un championnat aux États-Unis qui était... pas professionnel, mais semi-pro, et qui a vu surtout des équipes en quad, avec ça se passait souvent en Californie, un peu sur les bords des plages, sur des terrains un peu spéciaux, avec des virages relevés. Enfin, c'était très très très américain comme façon de faire. Il y avait surtout le show, quoi, avec des virages, avec tout allait bien. Oui, ça se faisait surtout en plein air, quoi. Donc, il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube qu'on peut retrouver de vieux matchs où on voit des gens en tenue de hockeyeur sur glace, mais avec des patins à quad, et puis se mettent joyeusement des boîtes sur la plage. C'est très hockey sur glace, et la mentalité hockey sur glace n'est pas du tout la même dans le hockey nord-américain et le hockey européen. Dans le hockey nord-américain, il y a la culture de la baston, quoi. Ce qui est beaucoup moins dans le hockey européen. Donc, il y avait ça. Donc, c'est pour ça que souvent, c'était pendant la saison morte, les hockeyeurs sur glace qui se retrouvaient en plein soleil, en plein air, pour jouer un peu sur les bords des plages, sur des terrains améliorés. Et il apparaît en France plutôt dans les années 95-96. Et il a émergé surtout dans les villes françaises où il y avait des gros clubs de hockey sur glace. Donc il y avait Rouen, il y avait Bordeaux, Anglet, Grenoble, il y avait Angers, il y a la région parisienne aussi, avec Luzangis, Paris 13. C'est des gros clubs qui ont vraiment émergé et qui ont donné des clubs de roller hockey. Donc, avec une exception, c'est Rethel. Rethel, c'est dans les Ardennes, c'est un peu perdu au milieu de nulle part, c'est à l'est de Paris. Et c'est surtout la volonté d'un président qui nous a quittés malheureusement l'an dernier, c'est Didier Lefebvre. Et pendant toutes les années où Rethel s'est bien développé, ça a tenu surtout à l'action de Didier, quoi. Donc c'est quand même un gros développeur du roller hockey en France. D'accord. C'est quoi, c'est la Fédération Française de Roller qui s'occupe du roller hockey ou c'est une autre fédération? Alors c'est la Fédération Française de Roller Skating qui a récupéré la gestion du roller hockey. Il y a eu quand même une grosse question de savoir si c'était la Fédération Française de Sport de Glace parce que c'était quand même très proche du hockey sur glace ou la Fédé de Roller Skating. Ça a été tranché. Au niveau mondial, il y a les deux fédés, la fédé de glace et la fédé de roller, qui organisent chacune leur mondial, avec quand même de plus en plus une prédominance du roller skating qui organise avec plus de pays, avec plus d'événements, plus régulièrement en Europe et au niveau mondial. Donc la fédé de roller skating a vraiment récupéré la mainmise, mais c'est vrai qu'au début, il y a eu cette petite bataille entre les deux fédés pour savoir qui allait récupérer le bébé. D'accord, ouais. Bah, c'est bien si les deux se battent pour l'avoir plutôt que qu'aucune des deux. C'est ça. Et le rink hockey, par contre, c'est quoi? C'est aussi le... Alors, le rink hockey est aussi affilié à hockey sur glace. Ça a aussi historiquement C'est aussi issu du hockey sur glace, mais les règles sont un peu différentes et ça a vraiment évolué de façon indépendante. C'est-à-dire que les règles sont... On y reviendra tout à l'heure sur les règles. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux me parler des fonctionnements des divisions, s'il te plaît, et qui sont les bonnes équipes en France et dans le monde? Alors, jusqu'en 1995, on en parlait tout à l'heure, jusqu'en 2007 à peu près, il y avait une seule division senior masculin. Il y avait des divisions chez les jeunesses qui recouvraient des grandes plages d'âge. Donc, de mémoire, c'était trois ans, des catégories d'âge de 3 ans au début. C'était quand même assez marginal. Et jusqu'en 2007, donc en senior, il n'y avait qu'une seule division. C'est-à-dire qu'il y avait une phase régionale, et puis qui donnait des qualifiés pour une phase interrégionale, et qui donnait des qualifiés pour une phase... à chaque fois qualifié par plateau pour aller à la phase suivante. Et en 2007, il y a eu la création de la Ligue Elite, donc la division principale, et plusieurs divisions au fur et à mesure des années, des multiplications des équipes. Donc il y a eu l'Elite, et puis après il y a eu la N1, la N2, la N3, et maintenant il y a la pré-nationale. Et dans certaines régions, il y a tellement d'équipes qu'il y a même des régionales. Mais alors, donc si je comprends bien, il y a de plus en plus de pratiquants. Il y a de plus en plus d'équipes. Après, au niveau des pratiquants, on est sur pas une stagnation, mais un ralentissement de la progression. Ah, donc il y a quand même de plus en plus de pratiquants, ouais. Même si ça c'est pas flagrant. Mais alors c'est très intéressant en fait. Donc tu veux me dire de 95 à 2007, donc pendant 12 ans en fait, il y avait qu'une seule division. Et on voit en fait, donc c'est l'émergence d'un nouveau sport. Et je trouve que c'est très intéressant de se retourner un petit peu. C'est très récent comme sport, hein. Le roller en ligne, c'est très récent. Et on voit qu'ils ont eu besoin de 12 ans pour créer plusieurs divisions. Et au final, c'est pas si long que ça, c'est même peut-être même très rapide. Ce qui a joué, c'est que les jeunes des débuts ont grandi. Et autant en 95, c'était surtout des anciens cueilleurs de glace qui s'y mettaient, soit parce qu'ils arrêtaient la glace, parce que c'est quand même un sport qui est extrêmement cher. En termes de licence, en termes de pratique, de déplacement, c'est un sport qui est assez onéreux. Le roller hockey, c'est quand même un peu plus light. Les protections sont un peu moins massives. Et du coup, ça coûte un peu moins cher. Les licences coûtaient moins cher. La pratique coûte moins cher. Il suffisait d'avoir un gymnase à peu près correctement équipé contre une patinoire avec des coûts d'exploitation faramineux. Il y a eu beaucoup de hockeyeurs sur glace qui sont venus dans un premier temps au roller hockey. Puis après, tous les jeunes qui avaient commencé, ils ont grandi. Donc forcément, il y a eu de plus en plus de seniors. Donc de plus en plus de seniors, ça fait de plus en plus d'équipes et des nouveaux jeunes qui venaient. Donc c'est ce qui a fait qu'en senior, il a fallu une division des catégories, quoi. Une division senior, donc élite N1, N2, N3 et pré-national. Voilà. Donc tu me demandais aussi quelles étaient les équipes, les grosses équipes. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de Rethel. Alors Rethel, ouais. Ça a beau être un peu perdu, c'est un épouvantail. C'est-à-dire que Rethel, depuis 2002, c'est 11 titres de champion pour les championnats de France. Donc ils ont tout gagné, sauf en 2013. Alors en 2013, ils n'étaient même pas sur le podium. Donc depuis 2002, ils sont soit sur le podium, soit champion de France, ce qui est quand même assez énorme. Oui, tout à fait. Ils ont 9 Coupes de France. Donc, sachant qu'ils ont eu une petite période en Coupe de France, une petite période un peu creuse au début des années 2010, Angers a gagné une Coupe de France dans cet intervalle-là. Ouais. Et accessoirement, 7 titres. C'est hallucinant, 7 titres de champion d'Europe. Et des places sur le podium, quoi. Donc, ouais. C'est une des premières équipes, sous l'impulsion de Didier Lefebvre, une des premières équipes qui a eu des professionnels. Donc, il y a beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus. Et alors, ça a fait grincer les dents, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes amateurs. Mais c'est le premier qui a professionnalisé vraiment son équipe en leur proposant de boulot dans sa région, en recrutant certains comme encadrants de son club, pour structurer son club. Donc, il a vraiment structuré le club, mais de façon professionnelle. C'est impressionnant en fait ce qu'il a fait. C'était énorme parce que il a été raillé, mais finalement tout le monde y est venu petit à petit, quoi. Et Rethel reste une grosse machine. Il avait raison, avoir raison avant l'heure, c'est avoir tort. oui, parce que ça a pas plu, hein. Ça a pas plu. C'est clair qu'au niveau de la fédération, il était mal vu, Didier. Mais finalement, avec son caractère, hein, c'était un homme à très très fort caractère, et ça a joué, hein, ça a joué. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, mais finalement, les hommages ont été unanimes à sa disparition. Ah ouais. Ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipe? Sinon, oui, j'en parlais tout à l'heure. Les équipes, il y a Angers, Rethel. Angers a eu un gros blanc là récemment. Ils ont été un peu limite sauvés par la Covid parce qu'il n'y a pas eu de rétrogradation. Ils ont eu une année où ils ont tout perdu, sans exception. Et puis finalement, il n'y a pas eu de rétrogradation, donc ça les a sauvés. Et là, Angers se reconstruit sous l'impulsion d'un copain à moi qui s'appelle Sébastien Marpeau, et qui est un ancien junior du club qui est parti au Canada et puis qui est revenu. Donc, et puis qui a repris la présidence du club d'Angers. Donc, le club d'Angers va se reconstruire. Donc, tous ceux qui ont l'occasion d'aller voir un match à Angers, si c'est aller voir un Angers-Rethel, par exemple, c'est génial à voir. Ne serait-ce que pour voir Rethel. ça joue très très bien. Ils ont une salle qui est sympa comme tout. Donc, Est-ce que tu pourrais me donner l'affluence? Est-ce que pour aller voir un match, ça coûte combien? Il y a combien de personnes? L'affluence, ça reste un sport quand même assez confidentiel. Hein. Ça dépend des salles, mais des affluences de plus de 200 personnes, c'est rare. Oui. Parce que il faut avoir les gradins, quoi. Avoir les gradins, même Angers qui joue en élite, a une capacité de 100, 250 personnes maximum. Ouais. Donc, sachant qu'en plus, là, en ce moment, avec les conditions sanitaires, on est très très loin du compte. Oui, je veux bien, mais après, c'est combien le tarif pour aller voir un match? Angers fait des entrées à 1 ou 2 euros, hein, c'est symbolique. Hein. Oui, oui. Oui. Oui, c'est symbolique. Ça a rien à voir avec le castor glace où des fois Bien sûr. à 10, 20 euros. Ouais. Là, c'est vraiment symbolique quand c'est payant. C'est rare, c'est pas toujours payant. Hein. Il y a moyen aussi d'aller voir des matchs à la Chapelle-sur-Erdre qui eux sont gratuits. C'est de la N1. C'est la division immédiatement en dessous. Du côté de Châteaubriant, il y a la National 2 avec Châteaubriant. Angers joue aussi en N2, je crois bien. Donc, il y a de la National 3 aussi, où il y a plein de clubs dans la région. Donc, non, il y a moyen d'aller voir des matchs assez facilement. Voilà, il y a le calendrier est disponible. On parlait tout à l'heure du lien, de mettre un lien vers le site qui contient les calendriers. Je pense oui. qu'on mettra. Oui, ce sera disponible dans les notes de l'émission. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était ouais. pour la France. Ouais. Dans le monde, les équipes nationales, alors il y a quatre équipes principalement qui disputent les podiums à chaque édition du championnat du monde. Il y a les États-Unis, forcément, terre de hockey sur glace, le Canada, autre terre de hockey sur glace, mais et la République tchèque, troisième terre de hockey sur glace, et la France. La France qui fait un peu, avec un jeu différent. Les États-Unis, le Canada et la République tchèque ont souvent un jeu très technique, mais aussi très physique. La France, c'est plutôt des attaquants de poche, des joueurs très très agiles et très bons techniquement. Et ça leur a permis quand même d'avoir quelques titres et quelques places d'honneur et de faire un peu leur trou au milieu des trois équipes très très spécialisées au Cluster Glass, quoi. Donc on a un défenseur qui est une légende dans le championnat de France, qui s'appelle Julien Thomas, et qui a trusté aussi l'équipe de France, et qui jouait à Villeneuve jusqu'à l'an dernier et qui est transféré à Grenoble cette année. Voilà, Julien Thomas, c'est un nom à connaître dans le roller hockey en élite. D'accord, voilà. Ok. Et donc, pour la petite histoire quand même, au Mondiaux de 2017, qui sont déroulés en Chine, la France a remporté le titre à la fois en junior garçon, en senior et en vétéran plus de 38 ans. Alors, en vétéran plus de 45 ans, je crois qu'ils ont fait troisième. Ah ouais. Bon, voilà, on a été un peu déçus. Hein. Et puis les féminines ont dû faire troisième aussi. D'accord. Donc, les Mondiaux de 2017, c'est tous les combien de temps les Mondiaux ? Les Mondiaux, c'est tous les ans. C'est tous les ans, d'accord. Les Mondiaux sont tous les ans et il y a l'équivalent de l'antichambre des Jeux Olympiques qui se déroule tous les 4 ans, qui s'appelle les World Roller Games, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Où la France a obtenu aussi des résultats plutôt corrects. Ok. Donc voilà pour le panorama. Eh ben, c'était super. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. J'aimerais bien que tu me parles des règles. Alors, les règles. Alors, c'est très proche. C'est un sport que ici du hockey sur glace, donc c'est très proche quand même. Mais il y a quelques petites nuances. Alors, il n'y a pas de hors-jeu. C'est un jeu à l'européenne. Il n'y a pas de charge du tout. Les charges sont interdites. Alors, après, il y a toujours des charges malencontreuses, mais il n'y a pas de charge volontaire. Oui. Voilà. Comme au hockey sur glace, il y a des pénalités quand il y a des fautes. Donc, il y a des joueurs qui peuvent sortir, aller faire un tour sur le banc des pénalités. Alors, ouais, le banc des pénalités, c'est le banc de touche ou il y a vraiment une prison ou c'est un... Alors, s'il n'y a pas les barreaux, il n'y a pas le gardien, mais c'est une prison, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. C'est pas le banc de touche, on est séparé du banc des joueurs. Pas le droit de s'asseoir au milieu de ses coéquipiers. Alors après, ça dépend évidemment des aménagements des salles. Souvent, c'est il y a une séparation entre le banc des joueurs et puis on s'assied à côté de la table de marque. Mais des fois, c'est de l'autre côté, quand il y a vraiment des salles très bien aménagées, comme à Angers, les bancs sont d'un côté, les prisons sont de l'autre. Les prisons sont en bas des tribunes, donc ça donne une idée de l'ambiance. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les pénalités, c'est 2, 5 ou 10 minutes. Enfin, c'est courant. C'est le même système, c'est très très, très, très similaire au Clash of Glass. Ouais. Le but du jeu, bon, ça c'est classique, hein, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire en faisant rentrer un palais dans la cage, dans le but, donc avec une crosse. C'est un sport qui est mixte. Alors mixte jusqu'à un certain niveau. Mixte jusqu'en N2. En N1 et élite, il y a des féminines. qui joue, mais sur dossier médical. C'est souvent les sportifs de très haut niveau, gardiens de l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France qui se font la main en élite et qui jouent avec les garçons. Elles sont ridicules du tout. Il y a, par exemple, à Angers, il y a Pauline Bernard qui joue très bien. Ouais. Alors ça, là, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas que c'était un sport mixte. Et il n'y a pas donc des équipes 100% féminines. Il y a aussi des équipes 100% féminines. Il y a un championnat féminin et un championnat mixte. D'accord. Ok. Voilà. Et il n'y a pas de championnat masculin. Le championnat masculin est très majoritairement masculin. C'est surtout pour permettre aux féminines qui ont moins de matchs de pratiquer un peu plus pour le haut niveau. Ah, mais c'est super. Bon, par contre, je suppose que c'est un sport, comme beaucoup de sports, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui pratiquent, et donc forcément, il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes femmes 100% féminines. Alors, des équipes femmes, il y a souvent des réunions entre clubs. Donc, on a eu l'exemple avec l'année dernière, c'était Lyon, Vars et je ne sais plus, une troisième équipe. Il y a eu une entente entre trois clubs. Il y a Rennes qui est une très bonne équipe. Il y a Ris-Orangis qui, en féminine, qui truste le titre. Depuis longtemps, donc Ris-Orangis en région parisienne, il y a Bordeaux, il y a Grenoble aussi, donc oui, c'est bien parti. Il y a eu des équipes à Lille, Rennes, donc je disais, a eu un titre de championne de France il y a quelques années aussi, donc c'est assez bien parti. Il y a des féminines qui jouent bien, voire très bien. Moi, j'ai déjà joué en N3 contre Pauline Bernard, qui était en train de monter et qui maintenant joue en élite. Elle m'a fait la misère. Elle voilà, m'a mis la misère. Simplement. Classique. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas comme, alors si je dis pas de bêtises, c'est au volleyball ou au beach volleyball, où quand il y a des femmes dans l'équipe, ou des différences de division entre deux équipes, je me rappelle plus trop. Bon, volleyball, c'est des 7, hein, donc des 7 qui vont jusqu'à 25, et bah tu commences à moins 1 plus 1. Il y a une équipe qui... Non, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus malus. C'est le même jeu. Hein, c'est le même jeu. Oh oui, ok. Non, c'était juste pour savoir s'il y avait un bonus malus, mais il n'y en a pas. Quand il y a des différences entre divisions, en fait, il n'y a pas de différence, parce que, sauf en Coupe de France, où des fois, une équipe rencontre une équipe d'une division inférieure, mais il n'y a pas de bonus non plus. C'est que le meilleur gagne, quoi. Ok, très bien. Voilà. Et ben alors, combien il y a de joueurs sur le terrain? Sur le terrain, il y a 4 joueurs de champ. Il y a 2 avant, 2 arrière. Ça, c'est classique. Un gardien. Et des remplacements illimités. Des remplacements illimités avec un effectif, donc en championnat de mémoire jusqu'en pré-national, c'est 6 joueurs plus 1 gardien minimum. À partir de la N3, il faut avoir 6 joueurs plus 2 gardiens. C'est vraiment le minimum du minimum. Le maximum étant 14 joueurs plus 2 gardiens, donc sachant qu'il y en a 4 sur le terrain à chaque fois, ça, on parle en termes de lignes. C'est-à-dire de quatre joueurs. Donc, ça fait 3 lignes et demie pour, au maximum, plus 2 gardiens. Et, minimum, 1 ligne et demie. Et donc, tu me dis, il y a 2 avant, 2 défenseurs. Je suppose qu'un avant joue toujours avant, un défenseur joue toujours défenseur. Alors, c'est moins tranché qu'au hockey sur glace. Ouais. Pour le coup, un défenseur, on le verra rarement passer devant. Là, en théorie, tous les joueurs sont attaquants et défenseurs. On attaque à 4, on défend à 4. D'accord. C'est beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de permutations que de glace. Mais il y a quand même des spécialisations, des tendances naturelles qui sont d'avoir quelqu'un qui est plutôt pour gratter devant le gardien, et les défenseurs sont plutôt du genre à faire des gros chutes de l'arrière pour essayer de chercher la déviation, quoi. D'accord. Il y a autre chose que je voulais savoir, c'est sur glace, en fait, ils sont 3 avant, 2 défenseurs, plus le gardien. Donc il y a une personne de plus. Est-ce qu'en roller, le terrain est plus petit que sur glace? Alors oui et non, parce que ça dépend des gymnases et des installations. Mais dans les faits, les patinoires font souvent, c'est 36 par 18, hein, 36 mètres par 18 mètres. Ah oui, donc c'est carrément plus petit. Ça peut aller vers 40-20. La plupart des salles sont des salles de handball. Donc c'est aussi du 40-20. Le plus grand terrain que je connaisse en France de roller hockey, c'est Caen, où là c'est une 60-30, et c'est immense. Ouais, mais c'est pas réglementé la taille du terrain? Entre 60-30 et 40-20, avec une dimension de 1 sur 2. D'accord, ok. Et c'est pareil, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut passer derrière les cages? Oui, on peut passer derrière les cages. Les cages sont espacées. Alors, je connais bien le règlement, hein, parce que, mais les cages sont espacées entre, de mémoire, c'est entre 1 et 2 mètres. C'est pareil, ça peut varier un petit peu. Ça peut varier un petit D'accord. peu. Donc, espacer de la ligne de fond, enfin, du mur du fond, ça doit être espacé entre 1 et 2 mètres. Et du coup, on peut passer derrière, et ça fait même partie, on en reparlera peut-être un peu plus tard sur les stratégies, mais ça fait partie de la mise en route d'une équipe. C'est-à-dire qu'on part de derrière sa cage. Ouais, c'est la sortie de zone. Enfin, Voilà, ok. exactement. Il y a combien d'arbitres? Il y a deux arbitres. Alors, c'est pas comme au hockey sur glace où il y a un arbitre principal, voire deux, et des arbitres de ligne. Là, il y a deux arbitres qui ont le même sifflet, qu'il n'y a pas un arbitre principal et un arbitre secondaire. C'est deux arbitres qui arbitrent un rôle égal et qui, en général, encadrent le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un arbitre qui part avec l'attaquant et le deuxième arbitre reste avec le dernier défenseur. De façon à pas rater un petit geste malencontreux. Ok, ouais. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, en fait, c'est quoi les différences avec le rink hockey? Donc le rink hockey, c'est quoi? C'est en quad. Et il Voilà. y a quoi d'autre comme différence? Alors, la différence principale, c'est que le rink hockey se joue avec une balle, alors que une balle qui est en liège compressé, et alors que le palet se joue avec un le roller hockey se joue avec un palet. Donc, il y a ça, c'est quand même une différence de jeu. Effectivement, les joueurs jouent avec des patins en ligne pour le roller hockey, alors qu'ils jouent en quad avec un frein pour le rink hockey. Donc ça c'est quand même des différences marquantes. Tout à fait. Le roller hockey c'est plus issu du hockey sur glace nord-américain avec cet esprit un peu plage un peu dont je parlais tout à l'heure. Et alors que le rink hockey a plutôt trouvé son public dans les pays latins. Donc l'Amérique latine, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est les nations très fortes en rink hockey. La France y est présente. Mais moins. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, c'est-à-dire que c'est vraiment les pays latins. D'accord, mais donc on peut passer enfin d'après ce que tu me dis, les règles sont à peu près les mêmes, Alors, on peut passer facilement d'un sport à l'autre. non, c'est parce que en fait, déjà l'effectif est différent. En rink hockey, le maximum c'est 8 plus 2, c'est-à-dire 8 joueurs plus 2 gardiens. Donc déjà, ça peut tourner moins vite. Ça tourne moins vite qu'en roller hockey. En On reste plus longtemps shift, ouais. sur la piste. C'est ça. En roller hockey, un shift, ça dure entre 30 secondes et 1 minute. Une rotation. Alors qu'en rink hockey, ça dure un peu plus longtemps et il faut un peu plus de temps pour s'en remettre, quoi. Le patinage aussi est complètement différent, totalement différent. C'est-à-dire que les hockeyeurs de rink ont tendance à être beaucoup sur la pointe des pieds. Pour freiner, pour repartir sur le frein qui est à l'avant des patins. Alors qu'en roller hockey, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, on joue surtout en dérapage, en accélération, en croisé. On patine en croisé, on patine beaucoup plus en croisé en roller hockey qu'en rink hockey. En rink hockey, on va se servir vraiment des tampons pour accélérer, ça va plus être de petits pas pour accélérer. Alors qu'en roller hockey, ça va être vraiment du croisé, de la prise d'élan. Et puis l'autre différence majeure, c'est pour les gardiens de but. Les gardiens de but, ça, comment dire, c'est pas du tout les mêmes positions. Le gardien de but de rink hockey va avoir tendance à être toujours, toujours, toujours accroupi. Accroupi, avec un genou par terre, avec un genou au sol ou les deux bottes relevées. Mais ça, c'est les deux positions. Il y a deux positions académiques au rink hockey, qu'on appelle l'espagnole et la portugaise de mémoire. Il y en a une des deux, si on pose un genou au sol et l'autre jambe pour essayer de repousser le palet. Et l'autre, c'est les deux jambes à l'horizontale. D'accord. J'ai étudié un peu le sujet parce que, effectivement, mon poste étant gardien, j'aime bien voir qui se fait ailleurs. Donc, voilà. Alors qu'en roller hockey, c'est exactement les mêmes positions en hockey sur glace, c'est-à-dire les gardiens avec un style debout, avec un style papillon. Le style papillon, c'est les deux jambes à l'horizontale avec les genoux joints. Donc c'est assez, faut pas avoir de problème de genoux. Oui. Et puis le style debout, bah, c'est essayer de rester debout le plus longtemps possible pour boucher les angles et ne pas s'écrouler et pas être mis hors de position. Quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de différence entre le ring hockey et le roller hockey. Ouais. Si on passait aux stratégies de jeu maintenant. Alors bah, le roller hockey, comme c'est un jeu qui est basé sur la vitesse, c'est surtout l'idée, c'est vraiment de combiner entre joueurs, de se croiser, de faire des passes abandon. L'idée, c'est vraiment de mettre l'adversaire en crise de temps. Que ce soit les défenseurs, si on se croise devant un défenseur, ben, il sait pas lequel il va suivre. Et l'idée, c'est quand même de décaler le gardien, de mettre le gardien hors de position, parce que le gardien, les buts étant plus petits qu'un but de glace, le gardien, avec le même équipement, prend plus de place, forcément. Donc, l'idée, c'est vraiment de décaler suffisamment l'attaquant pour qu'il puisse marquer dans un but plus vide. Plus vite, ou en tout cas avec de la place, quoi. Parce que tirer sur un gardien qui bouge bien les angles, c'est très compliqué à passer. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est déplacer le gardien, en fait. Enfin, c'est après ça. Toi, t'es gardien, donc forcément, c'est comme ça que tu ressens la chose. Ouais. Mais ouais. Parce que tirer en force, on traversera pas le gardien. C'est ce que j'allais te demander, en fait. À quelle distance on peut avoir une bonne espérance pour mettre un tir en force ou autre? Bah, en fait, plus on est loin, plus c'est facile pour le gardien. C'est-à-dire, ouais. Plus on tire de loin, des fois, il peut y avoir des chutes énormes, mais de loin, qui vont être très simples pour le gardien à arrêter, parce qu'il va juste être en position et ça va venir limite tout seul dans le grand attrape. C'est, alors qu'un dribble de près, le gardien a plus de mal à réagir parce que il a un équipement qui est plus lourd, plus engoncé, moins agile qu'un attaquant, quoi. Ouais. Je voulais revenir aussi en ring, que c'est une balle, et en roller, c'est un palet. Ça change quoi, en fait, ça? Alors, ce que ça change, déjà la balle prend des effets que ne prend pas un palet. C'est comme au ping-pong, hein, un effet rétro, un effet de façon à faire tourner la balle. Et une des techniques, la crosse étant un peu plus légère en ring hockey, une des techniques, c'est de soulever la crosse pour la rabattre violemment, pour rabattre la balle violemment. On soulève la balle et on la bat, quoi. D'accord. Ah. Et du coup, ça donne un angle qui est compliqué pour les gardiens. Que ce soit, alors qu'en roller hockey, c'est toujours un angle montant. C'est toujours un angle montant. Alors qu'en ring hockey, on peut faire rebondir. Même si la balle de ring hockey rebondit très peu. C'est du caoutchouc, c'est du liège compressé recouvert de caoutchouc. Donc, elle a assez peu de rebond, mais les très bons joueurs sont capables de battre, limite comme au baseball, sont capables de battre la balle, et ça va très très vite, quoi. D'accord. Alors puis le palet va avoir tendance aussi à avoir une prise sur l'air. Donc, sur un shoot lointain, il va décoller comme un avion. À partir un petit peu, voire à prendre des effets inverses, c'est-à-dire à commencer à décoller, puis à prendre une prise d'air et à se rabattre tout seul par terre. Ça, c'est des tirs très compliqués à attraper. Souvent, c'est un tir raté, mais ça peut marcher. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut parler maintenant de l'équipement pour les joueurs? Alors, l'équipement, alors c'est très proche du hockey sur glace, hein. C'est sensiblement les mêmes équipements. Mais vous achetez où votre équipement? Alors, est-ce que c'est les mêmes magasins que le hockey sur glace ou c'est souvent les mêmes magasins, puisque c'est souvent le même matériel. C'est les mêmes magasins, que ce soit en ligne ou en physique. Hein. Il y a Terre de Glisse à Nantes qui permet de... Enfin, ça s'appelle plus Terre de Glisse, d'ailleurs, ça s'appelle Nomad Shop. Ouais. Tout à fait, j'ai fait un podcast dessus, et donc maintenant on dit Nomad Shop, Nantes. Ah, voilà. Donc, il vend des équipements, il y a des sites en ligne, il y a plusieurs sites de vente en ligne. Donc, il y a moyen de se fournir, même en France, voire par correspondance au Canada, pour certaines choses. Il y a moyen, quoi. Il y a du matériel. Donc, le matériel, bah, pour les joueurs, c'est des patins de hockey sur glace, enfin, de roller hockey, plutôt. C'est le même chausson. Donc, c'est le même chausson que le hockey sur glace. C'est ça. Avec quelques marques spécialisées comme Mission, qui sont des patins plus adaptés, plus aérés simplement. C'est-à-dire que la coque qui est devant pour protéger va avoir tendance à avoir quelques aérations supplémentaires. Qu'on n'aura pas la glace parce que la glace, s'il y a des aérations, comme c'est un peu humide la glace, ça a tendance à fondre un petit peu. On se retrouve vite avec le pied trempé. C'était pas vraiment le but de la manœuvre. Ouais. Est-ce que tu peux me parler justement de qu'est-ce qu'il y a de particulier ce patin par rapport à un patin de n'importe quoi, de course ou de ou d'autre chose? Alors ils n'ont pas de frein déjà. Ils sont assez courts, c'est-à-dire que contrairement aux patins de course, les roues ne dépassent pas de l'avant et de l'arrière. On va avoir des patins dont le but ce sera de pouvoir pivoter quasiment sur place. Un des objectifs, c'est quand même de pouvoir changer de direction facilement. On va avoir des roues très tendres, parce que le but, c'est aussi de tourner sur des rails, donc de coller, de pouvoir tourner facilement, sans glisser, sans déraper. Donc, qu'est-ce qu'il y a de comme souci? Le maintien, c'est uniquement des lacets. Donc, il n'y a pas de boucle. Ouais, ça monte pas très haut, donc. Enfin, ça a l'air de bien tenir la cheville, mais pas tant que ça. D'accord. Ça tient mieux la cheville qu'un patin de course, par exemple. Mais c'est pas comme les chaussures de ski. Alors moi, je voulais revenir sur les roues. Quand j'étais gamin, je faisais du roller agressif. Donc c'est-à-dire, j'avais des patins d'agressif. Avec deux roues aux extrémités et au milieu j'avais des anti-rockers donc qui ne touchaient pas le sol. Oui. Et donc j'ai fait du roller hockey et j'ai vu d'autres personnes qui avaient des patins normaux, enfin plus ou moins normaux quoi, avec quatre roues et moi qui j'étais fier de mon patinage quoi, je patine bien. Et je ne pouvais pas tourner avec mes patins. Ah non, c'est pas conçu pour tourner. Les patins d'agressif, parce que j'en ai fait aussi de l'agressif, c'est pas conçu du tout pour ça. C'est conçu pour pouvoir faire des figures. Ça a une base très large, la chaussure est très large pour pouvoir glisser aussi. Les anti-rockers, ça permet aussi de glisser sur une barre, sur les anti-rockers, donc surtout pas de roue au milieu, parce que sinon la roue en caoutchouc va accrocher. Tout à fait. Là, l'objectif n'est pas du tout le même. Là, les roues, en termes de diamètre aussi, le patin d'agressif, ont des toutes petites roues. Les patins de joueurs ont des roues, c'est du 80 mm à l'arrière, voire quelquefois du 82 ou 84. Ah oui, donc ça commence à être assez élevé quand même. Voilà, et ça arrive, il y a certaines marques qui font 4 roues en 80 mm. Mais sinon, c'est du high low, c'est-à-dire 80 à l'arrière, 76 à l'avant. Voilà. D'accord. Il y a même eu, je crois avoir vu passer un patin où il y avait du 80 les deux roues arrière, du 76 pour la troisième roue et du 72 pour la roue avant. Oula, c'est ça a pas trop marché. Ça n'a pas trop bien marché. Ouais. Ok, allez, on a fini pour les patins. Voilà. Les jambières, en fait, ça fait à la fois protège tibia et protège genou. Donc ça, c'est pour protéger de chutes. Les chutes, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les palais ont une trajectoire montante, donc de près, les jambières, ça protège bien. Voilà, une coquille, forcément, ça, coquille masculine ou féminine, hein, c'est les deux. Une gaine rembourrée pour protéger les cuisses, et puis le coccyx et les hanches. C'est pas une culotte de hockey sur glace, c'est une gaine, c'est plus léger. Et ça colle à la peau ou pas? Oui, c'est un peu moulant, hein, c'est souvent ça. Hein. Ouais, ok, mais, très oui, bien. C'est vraiment collé aux cuisses. Ouais, et donc c'est que du tissu, il n'y a pas de plaque. Il y a des plaques en mousse, en fait, il y a des plaques en mousse qui sont. C'est en mousse, je veux dire, mais la mousse, elle est flexible, il n'y a pas de. Oui. Comparé aux jambières, par exemple, les jambières, sont rigides. Oui. Voilà, c'est rigide. Voilà, il y a des coudières, justement, puisque j'en parlais, les coudières ne doivent pas être rigides. Les coudières, c'est des coudières de hockey sur glace aussi, mais il doit y avoir de la mousse dessus. On ne peut pas avoir de plastique comme il y a eu dans les anciens temps, pour les temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y avait des coudières rigides avec des coques en plastique. Là, maintenant, ça doit être recouvert de mousse. De mousse qui va bien, quoi. D'accord. Des gants. Alors les gants, c'est pas les mêmes gants qu'en ring hockey. En ring hockey, les gants sont plus légers. Là, c'est vraiment des gants de hockey sur glace avec le pouce extrêmement bien protégé et puis les doigts sont bien protégés aussi. Une paume souple et puis ça permet de tenir la crosse, quoi. Ouais. Donc c'est les mêmes gants que ceux du hockey sur glace. Donc effectivement, oui, c'est très très imposant. Alors avec une hockey sur glace, il y a quelques modèles en cuir qui existent. Parce que bah, ce qui tient un peu plus chaud, en roller hockey, c'est plus une tendance vers les tissus synthétiques. Donc, c'est peut-être un peu plus respirant. Voilà, c'est tout. Il y a un plastron, mais c'est un plastron de roller hockey. C'est pas les plastrons de hockey sur glace avec les épaules monumentales. Là, c'est surtout pour protéger le plexus, les clavicules, c'est beaucoup plus léger, c'est dans la même matière que la laine rembourrée, c'est-à-dire que c'est très souple, quoi. D'accord. Voilà, il y a un casque de hockey sur glace, c'est les mêmes, ils doivent être homologués hockey sur glace. Avec, depuis peu, je crois que ça va faire 4-5 ans, une obligation de protection faciale, donc une grille ou une visière. Qui recouvre l'entièreté du visage? Alors, il y a une exception pour les demi-visières avec protège-dents, mais c'est au-delà, c'est pour les vieux, en fait, les vieux, on a considéré qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter, donc on leur a dit, bon, allez, vous avez le droit de pas avoir de grille ou d'avoir une demi-visière. Enfin, bon. Point de vue personnel, je trouve ça totalement stupide de ne pas se protéger le visage. Chez les féminines, il n'y a aucune féminine qui s'amuse à ne pas mettre de grille. Donc, ouais. Encore une fois, les féminines nous montrent qu'elles sont un peu plus intelligentes. Mais ça, s'il y avait encore besoin d'avoir la preuve. Et donc, dernière pièce de l'équipement, c'est la... Et donc pas de protège-dents. Le protège-dents, c'est pour certains qui ont une demi-visière. Ouais. Sinon, quand on a une grille complète, c'est pas la peine, hein, ça sert à rien. D'accord, ok. Non, mais c'était juste pour préciser. Non, parce que la grille comporte une mentonnière et puis ça protège le visage. Donc, il n'y a pas ça. Et donc, dernière pièce, c'est la crosse du joueur. Bon, ça, c'est sans doute la pièce la plus personnalisée parce que chacun fait en fonction de ses envies, de sa. Il y a plusieurs critères comme la flexibilité, elles sont plus ou moins souples. Et puis voilà, on a un côté préférentiel. Et voilà, pour les joueurs, ouais. C'est tout. Gaucher, droitier, ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Qui a aucun rapport avec le fait qu'on soit d'être gaucher ou droitier avec la main. On peut être gaucher avec la main et jouer à droite, et être droitier avec la main et jouer à droite aussi. C'est très très particulier. Ah ouais, moi je pensais que c'était plutôt les droitiers avaient la main droite en bas et les gauchers la main gauche en bas. Moi je suis gaucher, je joue à droite. Et j'ai un de mes coéquipiers qui est gaucher qui joue à gauche. Voilà. Donc, ouais. C'est vraiment en fonction de la. Du ressenti, c'est marrant. Du ressenti. Il y a même des gardiens qui, en joueur, jouent à droite et en gardien, jouent à gauche. Donc, ça devient encore plus compliqué. Ah, bah non, justement, moi, ça me semblait normal que. Bah non, La palette de la crosse n'est pas inversée pour le gardien? Non, moi je joue du même côté, un gardien et un joueur. Je suis gaucher, donc j'attrape main droite. Oui. Je tiens ma crosse main gauche, et du coup ma palette est à droite. D'accord, ok. Alors, il y a des moments où on se fait des nœuds au cerveau, rien qu'à essayer de comprendre de quel côté on joue et comment ça se passe. Ouais, je crois que tant qu'on n'a pas trouvé ces automatismes, il faut que ça devienne un automatisme, sinon on pense... C'est ça, sachant que puisqu'on parle des gardiens, les gardiens ont un équipement franchement différent. Vas-y, on t'écoute pour les patins du gardien. Alors les patins du gardien ont des roues, on parlait tout à l'heure des roues d'agressif, c'est très très proche, c'est des roues beaucoup plus petites, beaucoup plus basses, 4 roues, pas comme en agressif, mais 4 roues avec des patins qui pour le coup montent moins sur les chevilles, parce que les gardiens sont très souvent avec les chevilles cassées, pour pouvoir glisser plus facilement, pour pouvoir envoyer la jambe plus facilement, pour faire l'arrêt. Donc c'est très particulier. Il y a des patins spécifiques gardiens. Il y a des gardiens qui jouent avec des patins de joueurs. Ça existe, mais c'est vrai que ça change quand même la vie d'avoir des vrais patins de gardien. Ouais. Et puis surtout des coques devant où on est un peu plus à l'aise. parce qu'on prend souvent des palais sur les côtes quand même. Oui. C'est bien d'avoir des patins fiables. Et puis, donc, la pièce principale, la plus impressionnante du coin de gardien, ce sont les bottes. Les bottes de gardien, c'est des espèces de grosses jambières assez énormes qui font qu'on ressemble un peu à un bibradum. C'est ce qui prend le plus de place. Les tirs au sol sont très, très souvent arrêtés par les bottes. Donc, ça, il y a eu beaucoup de progrès techniques qui ont été faits ces dernières années. On va dire dans les années 90, c'était du cuir, des boudins de cuir, des trucs très très lourds, extrêmement lourds. L'équipement pouvait peser jusqu'à 25-30 kilos. Hein. C'était assez lourd. Là, maintenant, on est plus sur une quinzaine, une vingtaine de kilos sur l'ensemble de l'équipement. Donc, les bottes ont fait d'énormes progrès. Ce sont les mêmes bottes pour le hockey sur glace ? C'est exactement les mêmes bottes, c'est le même matériel. Après, il y a quelques modèles spécifiques, dont celui dont je suis équipé, qui ont des espèces de petits plaques à l'intérieur des bottes pour pouvoir glisser sur le côté. Parce que sur les bottes, quand on est en hockey sur glace, on peut glisser facilement sur la glace, alors que sur le sol, ça accroche beaucoup plus. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu de glisse quand on est sur les genoux, quoi. Ah oui, d'accord. Pour pouvoir passer d'un côté à l'autre, pour passer d'un poteau à l'autre, c'est plus simple. Ouais. Voilà. Les bottes, quand tu les mets dans ton sac de hockey, oui. Quand tu te balades, ou j'ai un sac énorme. Quand je change de voiture, je change de voiture en fonction de la taille du coffre. Ça fait partie des critères. Bah oui, c'est normal. Hein. Mais il y en a qui rangent leurs bottes en dehors. Moi, j'ai un sac tellement grand que j'ai un ordre pour ranger mon matériel. C'est comme du sudoku. Non, pas du sudoku. Du Tetris. Du Tetris, voilà. C'est comme du Tetris. Ça rentre dans un certain sens, c'est pas dans l'autre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a l'autre élément un peu énorme, c'est la culotte du gardien. Alors, c'est un short extrêmement rembourré, beaucoup plus que la gaine des joueurs. Et c'est le même équipement qu'en hockey sur glace pour le coup. Et c'est un short qui permet de prendre un palais sur la cuisse sans rien sentir, quoi. Donc, c'est quand même assez important. La coquille de gardien, même chose, c'est pas la même coquille que les joueurs. Ah oui, encore. Et même objectif, c'est de pouvoir prendre un palais dedans sans rien sentir. Mais alors, comment ça, enfin, est-ce que tu peux m'expliquer les deux différences entre les coquilles? Alors, la coquille de joueur, elle va juste couvrir le matériel. Alors que la coquille de gardien va avoir beaucoup plus de mousse sur la face avant et va couvrir aussi un peu l'entrejambe. Elle va couvrir un petit peu l'abdomen et les cuisses. Ça va être beaucoup plus large. Ça va être beaucoup plus large avec beaucoup plus de mousse aussi pour être capable d'encaisser un chute direct. La coquille de joueur permet d'encaisser un chute, on va dire, sans partir à l'hôpital. La coquille de gardien permet d'encaisser un chute et de continuer à jouer comme si de rien n'était. D'accord. Et la culotte aussi, il protège par-dessus ou pas ? Il y a une coquille spécifique pour les filles, qui est une protection pelvienne. Et les filles, j'en ai pas parlé pour les joueuses. Les joueuses ont des coques aussi. Des coques. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, mais je veux dire, la culotte de gardien, est-ce qu'elle protège aussi les parties ? Oui. Ah, oui, d'accord. La culotte elle-même, non, pas tant que ça. La culotte elle-même, il y a quelques plaques sur les culottes haut de gamme, mais c'est vraiment la coquille qui fait le boulot, quoi. Ok, très bien. Voilà. Il y a l'autre élément qui lui donne une tête de bibradum, c'est le plastron du gardien, qui donne des épaules monumentales, même quand on est tout riquiti à l'intérieur. Ça, c'est le plastron, ça protège les bras, très important. Donc, on a de grosses armatures sur les bras, ça protège le plexus aussi, parce que c'est là qu'on prend pas mal de chutes. On prend pas mal de chutes dans le buffet. Les clavicules, donc avec des grosses protections sur les clavicules, les épaules. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plastron couvre devant. Derrière, il n'y a quasiment rien. D'accord. Dans le dos, il n'y a quasiment aucune protection. Il y a une dossière qui sert plus à maintenir le plastron bien contre le corps, mais c'est tout, quoi. Ok. Bon, bah, ça allège l'équipement, mais effectivement, il ne faut pas se prendre un tir de dos. C'est ça. Bah, en général, on essaye d'éviter de tourner le dos. Mais bon, ça ne m'est pas encore arrivé. Alors l'autre spécificité, c'est les gants. Les gants du gardien ne sont pas du tout les mêmes gants que les joueurs. On a le gant d'attrape qui s'appelle la mitaine, la gobeuse, en canadien. En gros, c'est un gant très protégé sur l'avant de la main, avec un filet qui permet d'attraper entre le pouce et l'index. Ouais, le filet entre le pouce et l'index, voilà. En fait, ça va ressembler, grosso modo, je sais pas si ça va trop parler, mais un gant de baseball. C'est comme un gant de baseball, sauf que le gant de baseball, il y a aucune protection sur l'avant-bras. Alors qu'en roller hockey, enfin la mitaine, il y a vraiment une grosse plaque au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet, quoi. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que la forme se rapproche, même si c'est beaucoup plus grand une mitaine. Oui, ouais, c'est voilà. Et donc là. Oui, vas-y. La mitaine, donc, c'est sur la main qui ne tient pas la crosse. C'est ça. Et pour l'histoire, quand j'ai commencé en street hockey dans la rue, moi, j'ai joué dans les buts avec un gant de baseball. Mais bon, ça faisait vite mal. Bah oui, mais après, il faut... On commence... Enfin, voilà, l'équipement, ça, faut bien tester avant d'acheter, quoi. Et donc, il y a l'autre gant, c'est le bouclier. Le bouclier, le biscuit, c'est son petit surnom. C'est un gant un peu comme un gant de joueur, mais qui en plus est recouvert d'une espèce de grand rectangle renforcé sur le dessus. Parce que comme la main qui tient la crosse est toujours tournée face à l'attaquant, bah, il faut protéger le dessus du bras. Donc il y a un grand rectangle sur le dessus qui sert à protéger ça. C'est pour ça que ça s'appelle le bouclier. Et la crosse de gardien, on en parlait, la crosse, elle est plus large, plus lourde. Et elle se tient à une main que la crosse de joueur. Donc, c'est très spécifique. Il y a une grande palette. Et c'est la même longueur. Ça ne doit pas être plus long qu'une crosse de joueur. Mais par contre, la palette est plus large. Voilà. Ça sert surtout à dévier le palais. Le gardien, il faut attendre un certain niveau pour commencer à jouer le palais avec la crosse. Quoi. À faire des relances et tout ça. Ouais, d'accord. Et sinon, tu peux faire une relance avec la main? Non. On n'a pas le droit, c'est très particulier, on n'a pas le droit de relancer au-delà de deux points d'engagement s'ils sont dans notre moitié de terrain. On peut. Attends, j'ai pas derrière. Compris. Au-delà de deux points d'engagement? Alors, sur le terrain, il y a cinq points d'engagement. Ah oui, les ce qu'on appelle les face-off là. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, il y en a sur les côtés des buts et en fait, on n'a pas le droit de lancer le palais au-delà de ce point-là. D'accord. On peut mettre derrière, on peut laisser le palais derrière. En fait, à la main, on fait très peu de passes. Pas peu de passe. Donc, en général, le gardien, contrairement au ring hockey, où le gardien ne peut pas bloquer le palais, ne peut pas bloquer la balle, ouais. Au hockey, le gardien bloque souvent. Et dans ces cas-là, on fait un engagement sur le côté. Voilà, comme à la glace. Au hockey sur glace. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Et donc, la dernière pièce de l'équipement spécifique au gardien, c'est le casque. Le casque n'a pas du tout la même forme que le casque du joueur. C'est souvent personnalisé. Donc le casque, sa fonction principale, c'est pas d'encaisser un choc, c'est de dévier le palais. C'est-à-dire de pas prendre un chute de face. Donc c'est pour ça qu'il a une forme un peu pointue, quoi. Et donc souvent personnalisé. Moi, le mien, je l'ai fait décorer. Comme j'ai une BD que j'aime beaucoup qui s'appelle Calvin et Hobbes, et ben je fais mettre ce personnage-là sur mon casque. Et puis il y a aussi les prénoms de mes enfants un peu cachés dans la déco. Donc, c'est souvent la petite personnalisation des gardiens, le petit côté un peu bling bling des gardiens. Ça, c'est vrai. Il faut s'y mettre de temps en temps. Ok, ouais. Très bien. Je crois que on a fini cette première partie de présentation du hockey. Et puis maintenant, on va passer à. Enfin, t'en as déjà un peu parlé, mais le rôle du gardien de but. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce poste, déjà? Ah bah, moi, déjà, parce qu'on a la classe en gardien. C'était pour ça. Et c'est aussi, alors c'était une raison de plus liée à mon sale caractère. En fait, le gardien, c'est le seul joueur sur le terrain qui peut pas être désigné ni capitaine ni assistant. Donc, il a pas le droit de parler à l'arbitre. Il a pas le droit de parler du tout à l'arbitre. Et des fois, pour moi, je crois que ça valait mieux, quoi. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai qu'il y a tout le côté émulation, les gardiens célèbres en NHL. Quand on est ado, ça peut arriver. Donc, il y a eu Patrick Roy, il y a eu Dominique Hatchek, il y a eu des gardiens comme ça. Il y a eu un très, très, très bon gardien en France de l'équipe de Rouen qui s'appelait Petri Lennen, qui était aussi le gardien de l'équipe de France, d'origine finlandaise. Et d'ailleurs, c'est le père de Sébastien Ilonen qui joue encore en Magnus, en équipe de glace actuellement. Donc, c'est un gars avec qui j'ai eu en plus la chance de jouer en roller hockey. Donc, à mes débuts, donc, c'est ce qui m'a fait me tourner vers ce poste-là, qui est un poste, on va dire, c'est un sport individuel dans un sport collectif. C'est très, très particulier. Il y a toute une dimension sympa à regarder, quoi. Et dans les clubs de roller hockey, est-ce qu'on a trop de gardiens, pas assez de gardiens, ou le truc se fait... Ça dépend des clubs. Il y a pas mal de clubs où il y a une pénurie quand même. C'est souvent, toi tu vas t'y coller. Il faut qu'il y en ait un qui s'y mette. Il y a des clubs qui sont très riches en gardiens, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, souvent, sachant qu'un gardien, on peut pas trop s'en passer, quoi. Ah bah, on peut pas, c'est sûr, mais il faut que le gardien soit volontaire, parce qu'il faut qu'il s'achète tout l'équipement, quoi. Il y a des équipements, il y a des clubs qui sont équipés. Hein. En général, les clubs fournissent une partie. Moi, j'ai acheté mon équipement parce que je voulais avoir le mien avec la personnalisation en fonction de mes envies, en fonction aussi de mes besoins, parce que j'ai des équipements, comment dire. Par exemple, on parlait de la mitaine et du bouclier. Moi, je suis inversé, c'est-à-dire que j'attrape de la main droite et je tiens la crosse de la main gauche. Et bien, ça doit représenter 2% des gardiens. Ah ouais. Donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il fallait j'ai mon équipement. Les bottes, au bout de 2-3 fois où j'ai les hanches qui ont commencé à tirer, j'ai fini par m'acheter des bottes avec des petites plaques pour glisser un peu, quoi. Donc ce genre de choses. Voilà. Et ça, la durée de vie d'un équipement, j'ai oublié de demander tout à l'heure. Ça dépend si on prend soin ou pas. Moi le mien, ça fait 6 ans que je l'ai. D'accord. Le casque, donc... ça fait 3 ans. On casse des crosses, c'est ça le consommable. On en casse entre 1, 2, 3 pour un gardien maximum par an. Et puis les joueurs en cassent assez régulièrement, on va dire 3-4 par an. Mais sinon, les patins, ça peut se réparer. Quand les œillets lâchent, on peut les réparer. Les bottes de gardien, ça se recoue. Les mitaines et boucliers, ça change quand ça pue trop. Ça sent très fort. Ça sent fort, mais c'est pareil, ça s'entretient. C'est-à-dire que il suffit de le faire sécher correctement à chaque retour d'entraînement. Si on laisse l'équipement dans le sac, forcément, il faut en changer plus souvent, quoi. Ah oui, forcément. Voilà. Ça, mais, ça c'est souvent ça. Hein, donc voilà. Ok. Alors, qui est-ce qui peut devenir goal? Tout le monde, hein, tout le monde. Après, il y a quand même quelques prérequis. Faut pas avoir de problèmes cardiaques parce que ça peut monter quand même. C'est très très cardio. C'est moins cardio que le poste de joueur, mais c'est plus intense, mais sur moins longtemps. Mais alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Enfin, pour moi, le gardien, il bouge pas en fait, et donc je comprends pas pourquoi est-ce que la pile monte. Le gardien, au contraire, il bouge tout le temps. Il bouge tout le temps. Il se replace tout le temps. Et surtout, comme il doit patiner quasiment sur place, c'est que des ajustements, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il doit tout le temps ajuster. Donc, quand il est sur les patins, ça doit être le meilleur patineur de l'équipe quasiment, parce qu'il doit être capable de patiner aussi bien en avant qu'en arrière, sans aucun problème et sans aucune appréhension. Il ne doit pas se poser la question. Il doit pouvoir aller dans la direction qu'il veut, mais sans aucun problème. Donc c'est pour ça qu'il a les roues plus petites. C'est pour ça qu'il a des roues plus petites, pour pouvoir glisser limite aussi bien latéralement qu'en avant, en arrière, être stable. C'est une idée fausse qu'on se fait du gardien qui bouge pas beaucoup. Le gardien, il bouge tout le temps. Tout le temps. Il doit être capable aussi de se mettre à genoux et de remonter dans le mouvement. Et ça, avec les bottes qui font 5 kilos à chaque genou, c'est pas toujours facile. Ouais. Et puis les problèmes de genoux et de hanches, ça faut oublier, parce que on va souvent chercher les genoux, on est souvent sur le genou, donc ça fait partie de l'équipement que je vais pas citer, mais moi j'ai des genouillères en plus en dessous de mes bottes. D'accord. Et puis j'ai aussi l'autre pièce que je vais pas citer, c'est un protège-cou, parce que des fois le plastron a tendance à descendre un peu, donc à détendre. Et donc, ça évite de prendre des palais au niveau du cou, au niveau des clavicules. Mmh. Ça peut faire un peu mal, quand même. Et donc, le protège-cou, c'est en mousse ou c'est en coque? C'est du Kevlar. C'est du Kevlar. Ah ouais. C'est un produit technique, hein. C'est vraiment, C'est en gros, c'est des plaques qui vont être sur le haut du torse et puis sur le clavicule. D'accord. Et un peu sur le cou aussi. Mais, voilà, c'est un produit qui est à la base plutôt pour le hockey sur glace, mais moi je préfère avoir ça, ça m'évite de prendre des palais sur les clavicules. J'en ai pris quelques-uns. Les seules vraies blessures que j'ai prises, c'est dans ce coin-là. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, donc, les problèmes de genoux, oui, bah, ça, on a parlé. Les hanches, il faut savoir qu'il y a alors, il y a plusieurs cas, mais c'est en très très haut niveau, c'est la NHL, où il y a des gardiens qui arrêtent parce qu'ils ont des hanches de vieillard, quoi. Ah oui. Donc, il faut faire attention. Après, ça se travaille. Ça se travaille avec de la vigilance musculaire. Faut pas faire de faux mouvements, quoi. Faut bien s'échauffer. Ok, alors qui est-ce qui entraîne les goals? Alors, les gardiens, alors il y a des entraîneurs spécifiques, ça existe dans certains clubs. Rotel en a, mais bon, c'est souvent un luxe. Hein. Il y a souvent des intervenants qui se baladent entre les clubs, qui font des entraînements spécifiques gardiens. En général, pour les gardiens qui s'intéressent vraiment, il y a des exercices à trouver sur Internet assez facilement, sur les sites canadiens. Ils ont des gros moyens. Et c'est un peu plus dans le hockey sur glace nord-américain, c'est courant. Il y a toujours l'entraîneur des gardiens. Là, en roller hockey, c'est rare quand même. Oui, c'est une question de taille du club. Enfin, c'est que les clubs ont beaucoup moins d'argent. Oui, c'est au gardien de se connaître et de savoir expliquer à l'entraîneur ce dont il a besoin. Ce qui nous amène, en fait, il y a un élément primordial, c'est la routine d'échauffement. C'est-à-dire que le gardien doit avoir sa routine pour s'échauffer, pour être capable de s'échauffer complètement et tous les muscles. Parce que souvent, quand on commence un entraînement, le gardien finit de s'équiper, les joueurs, ils ont hâte de commencer, et du coup, ils commencent à chuter à fond, à dribbler. Et là, le gardien qui est froid, c'est le meilleur moyen de se blesser, aux adducteurs, de partir en grand écart tout de suite, et c'est pas une bonne idée. Et ça prend combien de temps, cette routine d'échauffement? Ça prend 15-20 minutes minimum. C'est un minimum. C'est-à-dire que ça peut aussi être des chutes. Hein. C'est d'abord tourner pour faire chauffer la machine un petit peu, après faire quelques étirements, et ensuite on fait des routines de chutes. Mais c'est-à-dire que ça va être des chutes dans la mitaine. On va avoir un seul tireur qui va se placer à 4-5 mètres du but et qui va tirer dans la mitaine. Donc ça va permettre de travailler la coordination entre les yeux et la main. Et vraiment de répéter les gammes, c'est-à-dire d'attraper avec la mitaine, ensuite avec le bouclier, ensuite on va aller attraper sur les bottes. C'est vraiment ça, c'est travailler élément par élément pour travailler les groupes musculaires et pas se faire mal, quoi. D'accord. Voilà, donc il y a des gammes aussi en patinage, un peu comme au piano, hein, il y a des mouvements à répéter. C'est par exemple, quand on va se coller au poteau gauche, on va avancer jusqu'à sa zone, on va revenir au poteau droit, on va avancer jusqu'à sa zone, on va... C'est des ajustements. Travailler les ajustements dont on parlait tout à l'heure. Être capable de se mettre à genoux, puis de se relever, mais dans la bonne direction, en tournant les épaules dans le bon sens. C'est des gammes. C'est des choses à travailler, quoi. Pour vraiment bien se situer dans l'espace. Ouais, ça doit être très frustrant parce que tu t'entraînes sans palais, enfin sans rien, mais faut vraiment travailler ses déplacements, et c'est vrai que... C'est ça, c'est de la visualisation, hein, c'est de la visualisation, bien savoir comment se situer par rapport à ses poteaux, parce que ça va vite. Donc un gardien qui a le derrière dans sa cage, il laisse plein de place sur le côté, alors que dès qu'il avance, il bouche les angles de tir. Donc c'est ce qu'on dit souvent, qu'il y a 90%, 95% de l'arrêt qui se fait avant le tir. Juste avec un bon placement. C'est juste, si on est vraiment bien placé, le réflexe, c'est vraiment, c'est quasiment rien dans l'arrêt, quoi. C'est-à-dire que le palais, c'est une sensation qui est géniale. C'est quand on est bien placé, avec le palais, on a l'impression qu'il vient tout seul dans la mitaine. Et ça, c'est une sensation indescriptible. Faut avoir été dans les cages pour y être. On voit l'attaquant armer son tir, on sait déjà que le palais il est déjà dans la mitaine, avant même que le palais ait chuté. Et ça, c'est génial, parce qu'on se place et hop, on sort le petit chèque dans la mitaine, chou, et puis on l'attrape. Et ça, c'est excellent. C'est sûr que, alors moi, je pense que j'aimerais pas, parce que justement, je préférerais faire un, arriver de nulle part et arrêter le tir au dernier moment, mais comme tu dis, enfin c'est ça, l'arrêt de nulle part, l'arrêt de l'espace là, en fait c'est un truc que j'aime pas du tout, moi. Parce que ouais, c'est génial de faire un super arrêt, une mitaine super spectaculaire en grand écart et tout, mais c'est pas satisfaisant parce que ça veut dire qu'on était en retard et qu'on était mal placé. Alors c'est du perfectionnisme, mais ça veut dire que quelque part on a raté avant. Et ça, mentalement, j'aime pas. Moi, je préfère un bon arrêt bien frustrant pour l'attaquant où on a à peine bougé, on a fait hop, voilà, je l'ai. Ouais. J'étais là, t'as aucune chance. Plutôt que le gros arrêt énorme où l'attaquant il dit bon, il a eu de la chance. Tout à fait. Non, mais je comprends bien. Je comprends bien. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus fun d'aller faire un gros arrêt. Hein, mais moi, j'ai toujours un sale goût après quand je fais un gros arrêt, je me dis ah, j'étais à la bourre avant. Ouais. Mais bon, ça c'est. Après, c'est peut-être l'équipe d'en face qui a bien joué aussi, qui t'a mis à la bourre. Ouais, c'est clair. Ou ta défense qui a mal défendu. Non, la défense te défend jamais mal. ça, on peut leur demander, ils seront jamais d'accord. Hein. Ça, c'est, de toute façon, ça, c'est le rôle ingrat du gardien. C'est quand on gagne, c'est pas forcément de sa grâce au gardien, mais quand on perd, c'est toujours de sa faute. Ouais, on peut voir ça comme ça, effectivement. Ouais. Tu voulais me parler aussi de l'eau qu'on perd, de la transpiration que. Ah oui, c'est vrai que on perd. C'est un accessoire indispensable du gardien, c'est la gourde, parce que on boit au moins une gourde par mi-temps, donc on peut perdre 2 à 3 litres d'eau par match facilement. Hein. Facilement. Donc tu vois, là, par exemple, j'ai fait un entraînement avant-hier soir et hier soir. Avec les températures actuelles qui sont à 30 degrés, j'avais pris 4-5 litres d'eau. J'ai bu deux gourdes à l'heure, quoi. Avec des poches de froid et des poches de glace pour refroidir, parce que c'est vrai que c'était un peu la folie. Donc, quand il fait pas forcément très chaud, on perd beaucoup d'eau, mais alors, quand il fait chaud, c'est encore pire. Ouais, c'est sûr. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du gardien. Oui. Est-ce que t'as autre chose à ajouter avant qu'on passe vers la fin? Non, juste voilà, faut venir, hein, faut venir essayer, faut venir essayer de toute façon. Ouais. Alors ben voilà, donc à quel âge est-ce qu'on peut commencer le roller hockey? Ben on peut commencer quand on veut, parce que j'ai un de mes coéquipiers qui a commencé à 44 ans, puis qui joue encore. Ouais. Je joue encore à 55. Hein. Donc. Alors ça déjà, moi ça me fait extrêmement plaisir que tu me dises qu'on peut commencer entre guillemets âgé, même si 44 ans on n'est pas si vieux que ça, mais qui continue encore à 55. Donc ça, moi je suis vraiment content. Et au plus jeune âge, c'est quel âge? Alors il faut quand même avoir un petit peu de base de patinage. Donc l'idée c'est quand même de commencer par l'école de roller. Et puis donc les écoles de roller, il y en a quelques-unes, mais de savoir patiner un minimum. Après, c'est pas rédhibitoire, on peut apprendre en jouant, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à la fois le patinage, avant arrière, et aussi le maniement de la crosse. Donc ça fait peut-être beaucoup de choses pour pas écœurer un gamin. Donc moi je dirais qu'il faut commencer à 7, 8, 9 ans avant, c'est un peu compliqué. On peut faire du baby hockey, mais ça me paraît compliqué. Ça sera ça. De toute façon, après, ça peut aussi être marrant. Hein. C'est un jeu. Tout à fait. Et par contre, je sais que les personnes qui commencent le roller sont très contents d'avoir une crosse dans les mains parce que ça leur fait un appui stable. C'est une fausse bonne idée, ça. C'est une fausse bonne idée. Le patinage de hockey est très spécifique parce que justement, on doit être capable de patiner, mais sans les mains. Oui, je suis d'accord, mais quelqu'un qui sait pas du tout patiner, moi c'est un truc, ce que je fais, c'est je leur fais prendre un chariot du supermarché, parce que généralement je fais des entraînements sur un parking, et une fois j'étais avec quelqu'un qui avait une dizaine de crosses de hockey, et les gens qui faisaient du hockey, ils font « Ah mais c'est trop cool, dès que je suis déséquilibré en avant, j'ai la crosse qui me permet de me tenir plus droit. » Et puis finalement, au lieu de patiner 20 minutes et d'être dégoûté parce qu'ils font que de tomber, bah, ils peuvent patiner une heure sans s'en rendre compte. Oui, mais ça, c'est de toute façon, tomber, ça me fait pas peur. Le gardien, il passe son temps par terre. Donc, Oui. Ah oui, mais après, t'as l'équipement aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais oui, et tu sais effectivement, tomber. Une crosse, ça peut donner un point d'appui. Après, C'est pas quelque chose qu'on apprend en école de hockey. L'idée, c'est... Non, je suis d'accord. Je disais, pour quelqu'un qui sait pas patiner, ça oui. peut être. Ouais, pour les débutants, ça peut être rassurant, oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Eh ben, est-ce que tu aurais des conseils pour débuter le roller hockey? Déjà, jamais oublier que c'est un jeu. Hein. Pas se mettre la pression. On a trop souvent vu des parents qui hurlaient sur leur gamin ou sur l'équipe adverse pendant des matchs. Voilà, c'est un jeu, c'est un sport. Faut prendre du plaisir. Ça, c'est toujours bien. Que les parents qui accompagnent les gamins soient contents de voir leur gamin jouer et s'éclater. On peut perdre, mais s'amuser quand même, hein, c'est pas un problème du tout. Et puis, aller voir des matchs de bon niveau. On a pas mal d'équipes, j'en ai parlé un petit peu, on a pas mal d'équipes dans le coin, donc il y a quand même pas mal de clubs. Il y a l'Asta sur Nantes, il y a le Rock sur Nantes, il y a la Chapelle, il y en a la Roche-sur-Yon, il y en a plein. Et même, oui, alors okay. Mon podcast, il est diffusé. Il est diffusé à l'international, hein, donc. À l'international, il y a du monde en Belgique, il y a du monde partout. Le roller hockey, à la limite, a failli être sport olympique. Justement, un des critères, c'est qu'il soit présent sur toute la planète. Donc, en Colombie, il y a des clubs. Donc, cherchez sur Internet, il y aura forcément un club près de chez vous. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à aller voir des matchs d'élite. Pour le Pays de Loire, il y en a quelques-uns. Même en France, c'est assez bien réparti. Hein, donc, voilà, faut pas hésiter. Il y a les cartes sur le site dont on va donner le lien. Il y a la carte des clubs pour toutes les divisions. Ah, voilà, comme ça, ouais. Ok, est-ce que tu aurais une astuce pour les rollers ou le matériel? Quand on débute, ça sert pas à grand chose d'acheter directement des patins de roller hockey super spécialisés et tout ça. Il vaut mieux avoir une paire de fitness et des bonnes protections plutôt que des super patins et puis trois bouts de carton pour se protéger parce qu'on n'a pas tenu ou un protège tibia et puis des genouillères de volet. Donc, il vaut mieux avoir des bonnes protections et des patins correct plutôt que l'inverse parce que sinon ça, on va se faire mal quoi. Et puis quand on a la chance de jouer en salle, surtout mettre des roues plutôt tendres parce que sinon on va passer notre temps à glisser, à déraper, c'est pas le but quoi. Il faut apprendre à tourner sur les rails. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, les astuces classiques pour la pratique sportive, c'est-à-dire que on évite l'alcool avant le match, ce genre de choses. Il faut boire régulièrement. Et puis voilà, après, ça reste un sport, une pratique sportive, exigeante, mais pas trop. Et alors, je vais en revenir sur les roues tendres. Toi, tu as combien de jeux de roues avec des différentes duretés de roues? Alors, moi, je joue qu'en salle. Donc, j'ai une paire de patins des joueurs parce que j'entraîne des jeunes. Et là, pour le coup, la dureté, ça doit être du 74. Donc, c'est très tendre, c'est extrêmement tendre. Donc, j'ai un jeu de roue qui m'a servi pendant le confinement pour jouer à l'extérieur. Donc là, c'est du 82. 82A. Donc, ça permettait d'aller rouler sur le bitume sans sentir les roues fondre en dessous de moi. Et puis, par contre, en gardien, j'ai qu'un seul jeu de roue. Ça doit être du 76, je crois. Mais c'est des roues très, très particulières. C'est très, très proche des roues d'agressif. C'est pas un profil elliptique. C'est un profil plat comme pour l'agressif. D'accord. Okay. Donc voilà. Eh bien, superbe. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à ajouter? Non. Venez jouer. Et voilà. Venez jouer. Venez regarder les matchs. En plus, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir près de chez vous. Ouais. Eh ben très bien, on va pouvoir conclure. Donc si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast ou si vous aussi vous voulez me parler de votre discipline, comme l'a très bien fait Kevin aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou alors sur le site de Roller en ligne, notamment sur son forum. Je laisse toujours un petit message, un petit post sur le forum. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode. Parlez de ce podcast à vos amis, vous les faites écouter de force, vos épisodes préférés, ou si c'est vos ennemis, les épisodes que vous aimez le moins. Avant l'entraînement dans les vestiaires, avant l'entraînement de roller hockey, vous mettez balado roller comme ça à fond, et puis comme ça tout le monde connaîtra le podcast. Voilà, je vais prendre des vacances moi, donc mon prochain épisode avec un invité, normalement c'est le premier de chaque mois, bah là ce sera pour le 1er octobre, donc s'il n'y a pas d'épisode qui sort d'ici là, c'est normal, mais le podcast ne sera pas mort, je vais juste m'accorder des petites pauses, peut-être que d'autres épisodes sortiront entre temps, je ne sais pas, restez à l'écoute, restez abonnés au podcast. C'était donc Balade Roller, le podcast de roller en ligne, à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.